Cartel Records. Une époque poc poc, où pour ma mif j'étais en cloc cloc. A 6 au cloc cloc, peur de voir ma mère sursauter à cause des toc toc toc. Wesh mais ton ya ya ya ya ya, y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. L'avenir nous appartient à M, je n'ai fait plus qu'à la tête du bloc. Tu connais gros big pour les miens. Une pensée au volon loin de moi près du cœur. Eh tchaga tchaga, tu peux monter sur les miens. J'manie les flots à solo à la Pablo. Un solo à la Pablo, j'ai au quartier toujours à cogiter. Je rêve de me tailler loin. La vie va vite, c'est qu'un conseil de PPR. Je te mets d'accord sur Kepassa et ouais, PPR. Nique le rap français, je m'amuse comme pas mi père. Ils veulent louer tout nom, mais rap français des R. Nous désolés, nous suis partout. La jalousie, on en parle partout. Dégage de là, vas-y, dégage de là. Je te réponds. Travers mon parcours, ça court derrière le bifton. Bang bang, AMG reste cool. AMG reste cool. No no no. Purchase your tracks today. No no no. Oh no no no. Oh no no no. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production. Je me rappelle d'une époque poc poc. Pour ma mif, j'étais en cloc cloc. A 6 au cloc cloc, peur de voir ma mère sursauter à cause des toc toc toc. Wesh, mais ton ya ya ya ya ya. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. C'est bien d'avoir du flow, si tu veux, j'te pousse un texte. Si tu veux, j'te pousse un texte. Oui, la vie est dure, mais n'oublie pas, c'est qu'un test. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Fais confiance au destin, pourquoi tu me détestes? Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Tout est parti de rien, j'écrivais juste des textes. On veut briller, ouais, briller, des billets, j'ai pas le temps de roupiller. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J't'en fais mouiller, ouais, mouiller, la moula, pour ça tu me couilles. AMG, AMG, la haine, j'ai la haine, j'ai pas peur de les enclencher. J'ai pas peur, j'ai pas peur. La haine, j'ai la haine, la monnaie, le game, c'est ça que ils veulent. Le monde, mon ami des gifs, ça m'a rendu plus fort. On peut se donner la vie, hey. On peut se donner la mort. Mais vas-y, fais-le. No, no, no. Oh, no, no, no. Je me rappelle d'une époque poc poc, où pour ma mif j'étais en cloc cloc. A 6 au cloc cloc, peur de voir ma mère sursauter à cause des toc toc toc. Wesh mais ton ya ya ya ya ya. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Y'a que pour baba et maman que Charles Glock. Je me rappelle d'une époque. Papa me regardait difficilement. Et ouais difficilement. Manque de moyens, j'ai dû côtoyer des mauvais garçons difficiles d'y renier. Le vice m'a fait du pied engendrant des délits. Pour apaiser ma soif de monnaie, j'ai dû voler plus que dealer. Je me suis jamais vanté car je le fais par nécessité. Passe partout quand buté sans forcer la serrure par sécurité. J'ai mis les gants en cuir, bref, évitons tous les détails. J'dirais que mes renois sont dans le détail. Et mes faltas après de campurantes là. La sacoche remplie de mailles, la vie est belle hein. Mais seras-tu me dire pendant combien de temps? Et ouais, j'taffe, j'fais mon argent sainement. C'est pas à la mode, j'm'en bats les couilles, j'te le dis gentiment. Sa mère, seras-tu me dire dans quelle vie de jaloux nous vivons tous? L'hypocrisie est à la mode, j'dis. J'dois rien à personne, sa mère. J'me suis fait solo sans redevoir quoi que ce soit à la putain de personne. Les grosses sommes, je les ferai tout seul. Les faux frères, j'en ai pas côtoyé sa mère. Soudé comme les cinq doigts de la main, j'ai fait la bise au plus malfrat du secteur. Bang! C'est arabe mort.